devenir mon ami. Thank you. sur le cahier. C'est sa manière de parler. Ses crayons sur le papier. C'est sa manière de l'aimer. Dans sa lettre, elle a mis des mon amour partout. Vous croyez peut-être curieux rendez-vous, mais c'est sa manière de l'aimer, sa manière de l'aimer, sa manière de l'aimer. Oh, oh. Ses phrases éparpillées, c'est sa manière. Toutes ces pages alignées, c'est sa manière d'y penser. Dans sa lettre, pas de rature, rien effacé. Quoi promettre, sinon que tout va continuer. C'est sa manière de l'aimer. Sa manière de l'aimer, c'est sa manière de l'aimer. Oh, oh. Ses mots sur le cahier, c'est comme pour le retrouver. Ses crayons sur le papier, c'est son arme pour résister. Pensez peut-être que l'image devenait floue devant la mer, que le temps ne démolit pas. C'est sa manière de l'aimer. Il y a mille manières de s'aimer. Ses phrases éparpillées, Vamos a trabajar para ganar de dólar. homme court après son nom, il court après sa vie. Et rien ne lui suffit, tout ça c'est pour quelqu'un. Rien ne lui suffit, tout ça c'est pour quelqu'un. Ses mains qui se lèvent. Comme si dédier sa vie aux nuages roses et gris, il sait qu'il ne l'a pas suivi, qu'il n'est pas d'ici. Il court après sa vie, rien ne lui suffit. Toutes les filles qui n'ont pas su lui plaire, le monde est à sa merci, mais rien ne lui suffit. Il court encore, il court après sa vie. Et rien ne lui suffit. Oh. Il court après sa vie. Et rien ne lui suffit. Oh, oh, oh. Sa gloire inutile, son sommeil fragile. Je vous dis que tout ça, c'est pour quelqu'un. Il court après sa vie, et rien ne lui suffit. Oh. Il court après sa vie, et rien ne lui suffit. Oh, oh. Tout ça, il le fait pour quelqu'un. Tout ça. Je vous dis que tout ça, c'est pour quelqu'un. Allez, un dernier. Il court après sa vie, et rien ne lui suffit. Il court après sa vie, et rien ne lui suffit. Oh, oh, oh. Il court après sa vie. Merci Edo pour ce bon moment. Ça fait du bien. À bientôt.